Salut à toutes et tous, la tribu. Vous êtes bien dans la 58e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Merci, merci pour tous vos petits messages par rapport au décès de mon parrain. Merci à vous, ça me touche beaucoup. Cette émission n'aurait pu ne pas avoir lieu et elle aura lieu quand même. Alors pour commencer, on commencera avec Mes Frères des Sales Majestés, c'est sur l'album Y'a pas d'amour, sorti en février 2000. Dessus on retrouve Y'a pas d'amour, Les Patrons et Love Story. On continuera ensuite avec Giving Up de Linkin Park, c'est sur l'album Minutes to Midnight, leur troisième album, sorti le 14 mai 2007. On retrouve aussi Wake, Bleeding Out et Valentine's Day. Et on continuera avec une nouveauté, Devil Inside de Godfather, c'est sur l'album Hipster Fister, sorti en 2016. On retrouve notamment As the Crow Cry, Rebel Ways et Hipster Fister. Allez faire un tour sur la page Facebook de Godfather. Goat, G-O-A-T-F-A-T-H-E-R. Il y a tous les liens, vous pouvez commander l'album et tout, il y a tout ce qu'il faut. Je vous mettrai les liens sur la page Facebook. On continuera avec Dreadbeat and Blood de Linton Kwesi Johnson. C'est aussi le titre de cet album sorti en 1978. On retrouve Five Nights of Bleeding, Song of Blood et Man Free notamment. Et on finira ce bloc en live avec Come On de Def Leppard. C'est sur l'album Song from the Sparkle Lounge, leur 10e et 14e album, sorti le 25 avril 2008. On retrouve entre autres Go, Hallucinate et Gotta Get It Go, entre autres. Oui, la France est une poubelle, et nous en sommes les déchets. Enfants maudits des temps modernes, il ne nous reste que la haine. Alors on brûle quelques voitures pour oublier le temps qui dure, en attendant que la police fasse régner l'ordre et l'injustice. Fasse régner l'ordre et l'injustice. Oui, la France est une poubelle, mes frères. Et nous en sommes les déchets, mes frères. Pendant que les riches font au soleil, mes frères, nous on crève dans les HLM, mes frères. Tout est fait pour nous diviser, à chacun sa communauté. Mais si un jour on s'unissait, que vraiment on se mélangeait, on irait tous à la Bastille, prendre les riches et leurs familles, et on chanterait la Marseillaise en sirotant des packs de 16, en sirotant. Oui, la France est une poubelle, mes frères. Nous en sommes les déchets, mes frères. Pendant que les riches vont au soleil, mes frères. Nous on crève dans les HLM. Exécutés par le système, mes frères. Ne nous reste que la haine, mes frères. Car les connards qui nous gouvernent, mes frères, ne lâcheront jamais les rênes, mes frères. La France est une poubelle, mes frères. Et nous en sommes les déchets, mes frères. Pendant que les riches soleil, mes frères. Nous on crève dans les HLM, mes frères. Mes frères. Mes frères. Mes frères. brothers and sisters rocking, a dread beat pulsing, fire burning, chocolate power and darkness creeping, night, black veiled night is weeping, electric lights consoling, night, a small hall soaked in smoke, a house of ganja mist, music blazing, sounding, thumping, fire, blood, brothers and sisters rocking, stopping, rocking, music breaking out, bleeding out, thumping out, fire, burning, electric power of the red bulb, staining the brain with the blood flow, and the bad, bad thing is brewing, ganja crawling, creeping to the brain, coat lights hurting, breaking, hurting, fire in the head and a dread beat, bleeding, beating, fire, dread, rocks rolling over, heart sleeping while rage rising out of the heat and the hurt, and a fist curling anger reaches a her, then flash of a blade from another to a him leaps out for a kick of a flesh of a piece of skin, and blood, bitterness, exploding fire, wailing blood and bleeding. Vous êtes toujours dans la 58e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Mes Frères des Salles Majestés. J'ai oublié de préciser une chose. Arnaud Futur, l'ancien chanteur des Salles Majestés, vient de sortir un album qui s'appelle Cannibal, tout ce qui nous dévore. Je l'ai eu en exclu et je vous passerai un extrait la semaine prochaine. On a écouté ensuite Given Up de Linkin Park. On a écouté une nouveauté, Devil Inside de Godfather. On a écouté ensuite Dreadbeat and Blood de Linton Quincy Johnson. Et on a fini en live avec Come On, Come On de Def Leppard. On continuera cette émission avec Violence Démo de Nobody Straight, c'est de l'album Utopique sorti en 2014. On retrouve aussi Persévérance, Sort de ma tête et Camisole entre autres. Il prépare un nouvel album, des nouvelles très très très vite. Tiens, on va se faire une nouvelle nouveauté, Insan de Korn. C'est sur l'album de 70 Suffering sorti le 21 octobre 2016. Je me le suis procuré, pareil, il y aura des nouvelles bien vite. On peut entendre dessus Rotting in Vain, Take Me et Different World avec Corey Taylor, le chanteur des Slipknot. On écoutera ensuite Too Late de Coxsparrer, c'est sur l'album Here We Stand sorti en 2007. On retrouve Better Than This, Don't Stop et surtout So Many Things. On s'écoutera ensuite de Toxic Vals d'Exodus, c'est sur l'album Fabulous Disaster, sur leur troisième album sorti le 15 février 1989. On peut entendre The Last of Defiance, Corruption et Overdose. Et on finira ce bloc en live avec Just a Feeling de Bad Manners, c'est sur l'album Looney Tunes, leur deuxième album sorti en novembre 1980. On retrouve El Pussycat, Tequila et Echoes Runaway, entre autres. Les peurs, les solutions s'effacent. Savoir se Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Just to be gone. We'll all go back in the future. Yeah. Vous êtes toujours dans la 58e Vampire Freaks, sur chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On continuera cette émission avec une nouveauté, Évasion de Mobius sur l'album The Line, sorti en 2016. Allez faire un tour sur la page Facebook de Mobius, il y a un lien pour se procurer tout l'album via Bandcamp. Viendez, likez et surtout partagez. On continuera avec Hot Dog in Holloway de NoFX sur l'album Evening Petit Zoo, leur sixième album sorti le 31 janvier 1996. On retrouve Homophobic, Bleeding Heart Disease et Drop the World notamment. On continuera avec Ritual de Ghost, c'est sur l'album Opus Openimus, le premier album sorti le 18 octobre 2010. On retrouve Deus Culpa, Satan Prayer et Prime Mover entre autres. Et oui, on a décerné il n'y a pas longtemps le prix Nobel de littérature, et c'est Bob Dylan qui l'a eu. Alors, pour fêter cette victoire, je diffuserai Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. C'est sur l'album Bringing It All At Back Home, son cinquième album, sorti le 25 mai 1965. On retrouve Subterranean Homesick Blues, She Belongs To Me et Gates Of Eden, un album culte. Et on finira ce bloc en live avec Sweet Leaf de Black Sabbath. C'est sur l'album Monster Of Reality, leur troisième album, sorti le 21 juillet 1971. On retrouve After Forever, Embryo et Children Of The Grave, entre autres. Seem to Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Cast away.

Vous êtes toujours dans la 58e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, et c'est Spike qui vous accompagne. On poursuivra cette émission avec Universal Death Squad, une nouveauté d'Epica. C'est sur le dernier album The Holographic Principle, leur 7e album sorti le 30 septembre dernier. On retrouve Age of the Blade, Once Upon a Nightmare et Dancing in a Hurricane, un album top top top. On continuera avec un grand classique, I Want It All de Queen, c'est sur l'album The Miracle, leur 14e album sorti le 22 mai 1989. On retrouve deux parties, The Miracle et The Invisible Man. On poursuivra avec Lita Ford des Bad Neighbors, c'est sur l'album Living Like a Runaway, son 8e album solo sorti le 4 juin 2012. On retrouve Brandy, The Mask et The Devil in My Head notamment. Tiens, un petit reggae, Sistrun des Black Uhuru, c'est sur l'album Red sorti en 1981. On retrouve Spongy Reggae, Journey et Rockstone, entre autres. C'est un très très très bon album. Et on finira ce bloc en live avec Flower in the Sun de Janis Joplin. C'est sur l'album Live at the Winterland en 1968, sorti qui a été réédité le 2 juin 1998. On retrouve Down on Me, Piece of My Heart, Combination of the Two, entre autres. just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming with no time for down, with the pain and anger, can't see a way out. It ain't my time. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Don't let you go to waste, don't let you go to waste, don't let you stand and wait. Vous êtes toujours dans la 58e Vampire Fix, c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure. On vient de s'écouter Universal Death Squad, c'est une nouveauté d'Epica. On vient de se faire I Want It All de Queen. On vient de se faire Bad Neighborhood de Lita Ford, Six Train de Black Uhuru et on a fini en live avec Flower in the Sun de Janis Joplin. On continuera cette émission avec Pressure Dubs de Toots and the Metal, c'est sur l'album Sweet and Dandy, sorti en 1968. On retrouve Monkey Man, I Shall Be Free, et 54, 46 was my number, excusez-moi. Enfin, 54, 56 was my number. On continuera avec Tell Me Why, des Beatdown, c'est sur l'album The Beatdown, sorti en 2010. On retrouve White Knight, Mad Dog, et Get Reality, entre autres. On continuera avec une autre nouveauté, 32 mars de Dada Kid, c'est sur l'album La Rue Raisonne, sorti le 7 octobre 2016. On retrouve Écosystème, Paris la Nuit et Mediatox, entre autres. Un excellent album à découvrir. On continuera un petit reggae toujours avec Crazy Bald Head de Bob Marley and the Mellors. C'est sur l'album Rastaman Vibration, son deuxième album sorti le 30 avril 1976. On retrouve Positive Vibration, Johnny Was et Rat Race entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Oh là là, c'est magnifique de Arnaud. C'est le live à Bruxelles sorti en 2005. On retrouve Il est tombé du ciel, Chic et pas cher et Françoise entre autres. Que d'ailleurs je le dédicace à ma petite belle-maman Françoise qui nous écoute au Puy-en-Velay. Bisous Françoise. Mm-hmm. les nuits debout, toutes les journées à réfléchir à tout ça, et nous saurons nous passer de vous. La rue résonne du son de nos voix, nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à rebâtir tout ça, et nous saurons nous passer de vous. La rue résonne du bruit de nos pas, les temps sont durs, on nous vole, on est spoliés. Nous fait travailler pour des faux billets. Rien ne bouge plus, la boucle est bouclée. Quelque chose empêche la roue de tourner. 32 mars, deuxième jour de la démarche. La coupe est pleine comme les abords de la place. La réponse est en marche, le peuple se déplace. La riposte est un art au parfum de l'audace. Vous savez, la politique est un leurre telle qu'elle est pratiquée. Le système est condamné par des pantins imbéciles et désarmés, dépassés par le modèle qu'ils ont inventé. Alors stop, nous n'attendons plus rien de vous. Rendez-nous les vies que vous nous avez confisquées. Vous persistez à tricher sur tous les sujets, alors qu'on tousse tous comme dans un nuage de fumée. Nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à réfléchir à tout ça, et nous saurons nous passer de vous. La rue résonne du son de nos voix, nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à rebâtir tout ça, et nous saurons nous passer de vous. La rue résonne du bruit de nos pas. L'argent. Ce sont les mêmes qui détiennent, les mêmes qui parviennent, qui entretiennent à léthargie du système. On n'inverse plus les rôles, les problèmes restent sur les mêmes épaules. Mais la rue résiste, elle survit par habitude, devenue dangereuse lassitude. Ils ont peur dès qu'ils sentent un semblant d'unité dans nos rangs. Ils ont tort de nous traiter comme des enfants, comme des idiots depuis trop longtemps. D'ailleurs le temps joue pour nous à partir de maintenant. La foule est vivante et le mot d'ordre est maintenu. Nous sèmerons les graines, le chemin faisant, et nous récolterons le moment venu. Nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à réfléchir à tout ça, et nous saurons nous passer de vous. La rue résonne du son de nos voix, nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à rebâtir tout ça, et nous saurons nous passer de vous. La rue résonne du bruit de nos pas. Chase those crazy ballers out of town. heat up all my corn. We gonna chase those crazy, chase them crazy, chase those crazy ballers out of town. Hatred, you reward for our love, telling us of your God above. We gonna chase those crazy, chase those crazy bumpets, chase those crazy bullets out of a yard. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On vient d'écouter Pleasure Drop de Truth and the Metal, Tell Me Why de Beatdown, une nouveauté 32 mars de Dana Kill, Crazy Ball Head de Bob Marley and the Wailers. On a fini avec le Oh là là là, oh là là là, c'est magnifique de Arnaud. Malheureusement, cette 58e Vampire Freaks touche à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. La semaine prochaine, plein de nouveautés, des tubes. Alors, merci d'être fidèles. Merci d'être, de nous écouter et d'être de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine. On finira cette émission avec The Rebel Spell de Mano Negra. C'est sur l'album Putas Fever, leur deuxième album sorti le 1er septembre 1989. On retrouve King Kong 5, Pas assez de toi, Pachanka. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! I won't be ready, Lord, walking to Babylon with my gun. Run Rasta dance, let everybody say, that's your brother Rasta dance. Rocky boys in blue, shining through, that's your brother Rasta dance. Good night, good night, we're gonna have a big fight, that's your brother Rasta dance. They got the power, we got the right, that's your brother Rasta dance. I won't be ready, Lord, walking to Babylon with my gun. About the meal. That's your brother Rasta Day. They're gonna kill your son, Mary Mom. That's your brother Rasta Day. Tell them a country where you're gonna shout and say, that's your brother Rasta Day. That's your brother Rasta Day. That's your brother Rasta Day. City, but 3 days later, washed back by the tide, found his body on the riverbank.